Vous êtes après rentrer dans le podcast de l'Anti-Église. L'Anti-Église, c'est pour une discussion honnête et transparente sur le chaos de la foi, l'Église et la religion. Ensemble, on veut rire et on veut faire des critiques avec une bonne volonté des tabous et des absurdités de certaines conceptions de la foi chrétienne. On vous invite à nous liker sur Facebook et à suivre ce podcast sur vos applications. Et que vous soyez en accord avec nous ou non, c'est bien correct, car notre désir à travers cette discussion, c'est qu'ensemble, que vous soyez croyant ou athée, nous puissions faire sens de la foi chrétienne. Bienvenue dans le premier podcast de l'Anti-Église. Mon nom, c'est Nicolas Morin et j'ai vraiment le plaisir de pouvoir vous accueillir dans notre premier podcast puisque ça fait longtemps que j'avais vraiment à cœur de partir un projet de ce genre. Donc, en fait, un podcast où ce qu'on pourrait parler et avoir des discussions ensemble sur tout le chaos de la foi, l'Église et la religion. Et puis, donc, je suis vraiment, vraiment excité de voir comment est-ce que ce projet-là, qu'est-ce qui va ressortir de ce projet-là. Et puis, j'espère qu'ensemble, on va pouvoir avoir des discussions honnêtes et qu'on va pouvoir rire et critiquer un peu. En fait, on pourrait peut-être plus dire faire des critiques, parce que souvent critiquer, c'est un petit peu vu un petit peu comme négatif. Et donc, faire des critiques de toutes sortes de conceptions de la foi chrétienne qui, peut-être, comme on va le voir, ne font aucun sens. Et j'espère qu'à travers à travers ce podcast-là, si vous êtes athée ou agnostique, que ça puisse être vraiment une ressource pour vous pour mieux comprendre la foi chrétienne, mais aussi entendre, peut-être pour des premières fois, un point de vue critique sur celle-ci. Et puis, à travers toutes ces critiques-là, vous allez avoir l'opportunité d'entendre toutes sortes d'histoires, toutes sortes d'expériences que certaines personnes ont pu vivre, dont moi. Et puis, comment est-ce que cela est justement venu modeler notre foi chrétienne. Et puis, vraiment, l'Anti-Église, ça va être vraiment cet endroit-là où ce que on va toujours pouvoir être intègre, juste transparent, honnête, envers toutes les histoires qu'on a pu vivre. Et puis, justement, on n'est affilié avec aucune organisation religieuse spécifique. Donc, justement, on n'a pas nécessairement de compte à rendre. Pas que c'est nécessairement bon, mais dans un sens, ça ne veut pas dire non plus qu'on va faire n'importe quoi, mais on n'aura pas à l'Anti-Église à cacher quoi que ce soit. Puis ça, ça va être vraiment important pour nous. Et avant de commencer notre première discussion à l'Anti-Église, laissez-moi me présenter un petit peu plus. Comme je vous ai déjà dit, dans le fond, je me nomme Nicolas Morin. Ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis venu à la foi chrétienne par mes propres désirs, dans le fond. Et puis, à travers ces 10 années-là, j'ai eu l'opportunité de faire du ministère. Quand on dit faire du ministère, si vous êtes athée ou agnostique, c'est tout simplement, ça veut dire tout simplement que je me suis impliqué ou j'ai travaillé à l'intérieur de diverses communautés de foi ou diverses organisations religieuses qui, dans le fond, s'appartiennent au christianisme. Et puis, à travers ces 10 années-là, j'ai eu l'opportunité, dans le fond, de pouvoir m'impliquer à toutes sortes de niveaux. J'ai eu l'opportunité d'être aussi conférencier à divers événements, diverses conférences sur la foi, la spiritualité. Et puis, à force de travailler avec toutes sortes de mouvements chrétiens, ça m'a amené vraiment à pouvoir rencontrer toutes sortes de conceptions de la foi chrétienne. Et aussi, ça m'a amené à éventuellement être beaucoup plus critique envers ma foi chrétienne. Quand on voit plusieurs types de mouvements, qu'on voit plusieurs croyances différentes, à un moment donné, on vient un petit peu à vouloir se placer par rapport à ces différentes croyances-là. Puis ça nous amène des fois aussi à les critiquer ou à être critique envers ceux-ci. Et ça t'amène aussi à te demander, est-ce que ces diverses croyances font du sens? Et puis, je dois être honnête et dire que parfois, j'ai rencontré des croyances, des conceptions de la foi chrétienne qui ne faisaient absolument aucun sens. Et qui parfois est ce qui est vraiment mis à l'avant-plan quand les gens pensent au christianisme. Et puis, donc, c'était vraiment un projet qui me tenait à cœur de partir dans l'Anti-Église, puisque je voulais vraiment qu'on puisse aborder ces conceptions-là pour vraiment faire du sens de la foi chrétienne et que ça puisse être vraiment plus clair pour quelqu'un qui est peut-être athée ou agnostique. Afin que ce soit plus clair, pourquoi est-ce que encore des personnes croient que la foi chrétienne fait du sens en 2016? Et donc, comme premier podcast, je pense que c'est vraiment important de pouvoir se demander pourquoi l'Anti-Église et pourquoi ce nom-là. Pour nous, c'était vraiment important le nom de l'Anti-Église, puisqu'on voulait un nom qui pourrait automatiquement inviter les gens à venir dans la vision de ce que l'Anti-Église est. L'Anti-Église, c'est vraiment de se remettre en question et de venir réagir envers divers conceptions de la foi chrétienne qui ne font peut-être aucun sens. Et puis, je me rappelle justement, les premières fois que j'ai partagé ce projet-là et le nom de l'Anti-Église à certains dirigeants dans des églises, à certains pasteurs, Il y avait une certaine réticence, puis il y avait un petit peu peur parce que le nom vient de faire réagir, justement. Et puis, justement, pour nous, quoi de mieux que le nom de l'Antiglise, quand justement, on veut très à partant inviter cette réaction-là. Et puis, je voyais cette réaction-là à l'intérieur de ces dirigeants-là. Et puis, pour nous, le nom d'Antiglise vient tout simplement représenter cette vision-là de remettons-nous en question, venons réagir ensemble. Et puis espérons qu'ensemble on puisse venir s'assurer qu'on a une foi chrétienne authentique. Maintenant, pourquoi faire l'anti-Église? Parce que malheureusement, je crois que trop souvent, puis on peut le voir par le passé, il y a des traditions religieuses qui ont été transmises de génération en génération sans que les gens ne se posent de questions ou sans que les gens se remettent en question. Et ce qui a amené parfois, justement, ces traditions-là religieuses à transmettre des croyances qui n'étaient absolument pas fondamentales pour cette foi de cette religion. Et puis, je pense que c'est quelque chose qui est malheureusement encore présent aujourd'hui, parce que trop souvent, moi-même, je l'ai vécu, des traditions, des croyances, des conceptions de la foi chrétienne vont être transmises dans nos églises, et les gens ne se remettront pas en question. Et c'est pourtant des croyances qui ne sont aucunement pas partagées dans le message de Jésus-Christ, ou même le message biblique. Donc pour moi, c'est vraiment important l'anti-église. Puis pourquoi l'anti-église? Parce que je pense qu'il est important de toujours se remettre en question, puis de s'assurer de toujours être intègre dans notre recherche de la vérité. Et puis, je pense que ça va être important de dire en partant que parfois, on ne va pas être en accord ensemble. Notre désir, c'est vraiment qu'on puisse interagir ensemble, que vous puissiez des fois nous renvoyer des feedbacks par Facebook, par courriel. Et puis, je pense que des fois, ce qui va arriver dans l'anti-église, puis préparez-vous à cela, vous allez des fois en désaccord avec nos croyances. De la même façon que des fois, on va partager des choses dont vous allez être en désaccord. Et je pense que c'est en se remettant en question ensemble qu'on va pouvoir justement chercher cette foi authentique qu'on aspire tous. Donc là-dessus, faites-vous-en pas. Si parfois vous êtes en désaccord, réfléchissez à ce qu'on partage. Puis on vous invite par la suite, par exemple, à nous renvoyer vos feedbacks pour qu'on puisse en reparler, en discuter. Et peut-être voir que parfois, dans le fond, on va être dans le tort. Peut-être que des fois, vous allez être dans le tort. Mais qu'à travers cette discussion-là, on va pouvoir ensemble justement développer qu'est-ce que ça veut dire d'être un être humain créé à l'image de Dieu selon le message partagé par Jésus-Christ. Maintenant, une chose, je pense qu'il faut se demander, c'est est-ce correct de faire des critiques sur l'Église ou la foi chrétienne, ou même la religion? Moi, je pense définitivement que oui. Je pense pas que c'est mal. Mais je partage cette question-là parce que je sais que déjà, ça peut être peut-être une de vos pensées, c'est de dire, je suis pas sûr que c'est bien correct de critiquer l'Église ou de faire une critique de l'Église. En fait, il y a d'ailleurs déjà un pasteur qui m'avait dit de faire attention à ma réputation. Puisque faire des critiques de l'Église, c'est pas nécessairement quelque chose qui est apprécié dans l'Église, et puis que ça pourrait peut-être m'amener à avoir une mauvaise réputation. Cependant, je pense personnellement que si on recherche vraiment une foi authentique et on cherche la vérité, peu importe ce que ça va nous emmener, il faut pas se préoccuper de notre réputation. Je pense que vous allez être en accord avec moi que si parfois certaines conceptions ou pratiques dans l'Église n'est pas intègre envers la foi chrétienne, eh bien, peu importe ce que les gens vont penser de nous, il faut en parler, il faut en discuter. Et puis, à ce niveau-là, il ne faut pas se préoccuper de notre réputation, parce qu'au contraire, si on est pour se préoccuper plus de notre réputation que ce qui est juste et honnête dans l'Église, eh bien, des choses malhonnêtes, des choses qui sont mal vont être faites. Et puis, c'est pas quelque chose qu'on désire dans l'Église ou dans la foi chrétienne. Maintenant que c'est dit que dans le fond, faire des critiques de l'Église ou de la foi chrétienne, ce n'est pas mal, et qui d'ailleurs, quand on regarde à la personne de Jésus-Christ, Jésus-Christ était le premier à faire des critiques sur la spiritualité des Juifs de son époque, je pense qu'il faut parler des pourquoi certaines personnes, certains chrétiens, pasteurs, dirigeants de communautés de foi vont décourager les chrétiens à se remettre en question ou à faire des critiques de leur Église ou de la foi chrétienne. Une des premières conceptions, une des premières objections qui va souvent être partagée à faire des critiques de l'Église, c'est qu'il faut faire attention puisque cela peut t'amener à être cynique. Cela peut venir nuire à ta vie spirituelle. Puis c'est vrai. Si on est pour faire des critiques parce qu'on est jaloux, parce qu'on est frustré de certaines expériences, parce qu'on est émotionnellement blessés, on a été émotionnellement blessés par des personnes et on veut donc faire une critique pour chercher une certaine vengeance. Absolument, oui, ça peut t'amener à être cynique et oui, ça va aussi être également malsain pour ta vie spirituelle. Maintenant, au niveau de l'Anti-Église, ce n'est pas notre objectif. Et puis, je pense que pour toute personne qui désire se remettre en question ou faire des critiques de l'Église, je vous encourage vraiment à faire attention à, oui, ne pas faire des critiques parce que vous cherchez une certaine justice, vengeance ou par jalousie. Parce que, définitivement, cette critique-là, elle a de mauvaises motivations et puis, ce n'est pas quelque chose que j'encouragerais personnellement. Maintenant, cela dit, est-ce possible de faire des critiques sans pour autant être cynique? Je pense que, définitivement, oui. Et puis justement, notre rôle dans l'Anti-Église, c'est d'en rire. Une fois qu'on rit une fois qu'on est pour en rire, en quelque part, c'est qu'on n'est plus marqué par ces choses-là, mais qu'on y a vraiment réfléchi, puis on est capable d'être un petit peu objectif envers ces certaines conceptions qu'on va critiquer. Et puis donc, est-ce possible de devenir cynique? Absolument, mais ce n'est pas notre objectif. Et puis, par exemple, je pense que c'est important pour moi de vous dire que si vous êtes cynique, si vous avez passé par. Vous avez été dans des églises et vous avez vécu de mauvaises expériences avec le christianisme et que vous êtes cynique maintenant envers la foi chrétienne, c'est correct. Dans l'église, souvent, on a la tendance de partager totalement l'opposé, puis que dans le fond, non, vous ne devriez pas être cynique, vous ne devriez pas garder des rancunes de ce que vous avez vécu. Je pense qu'en quelque part, à long terme, c'est vrai, mais à court terme, si vous avez vécu des mauvaises expériences, c'est totalement normal d'avoir certaines rancunes, d'être encore blessé, puis d'avoir même peut-être un petit peu cynique envers ces expériences-là ou envers les gens qui vous ont blessé. Et puis, moi-même, j'ai vécu des expériences un petit peu intenses que vous allez entendre éventuellement. Et puis, c'était quand ces expériences-là, quand j'ai vécu des expériences où ce que des pasteurs m'ont abaissé, eh bien, c'est sûr que sur le coup, la foi chrétienne, l'Église, puis ces pasteurs-là, eh bien, pour moi, là, c'était loin derrière moi, là, puis j'étais absolument cynique, j'étais négatif, je critiquais, j'étais vraiment dans une position où ce que ma spiritualité n'était pas bonne. Et puis, par exemple, ce que j'aurais aimé, c'est qu'à cette époque-là, quelqu'un me dise que c'était normal que je me sente de cette façon-là, parce que ce qu'on m'avait fait était mal. Puis ça, c'est quelque chose qu'honnêtement, on entend rarement, mais c'est normal que quand quelqu'un vous fasse de quoi qui est mal, eh bien que vous ressentiez une certaine frustration, colère, injustice envers cette situation-là, parce que quelqu'un vous a fait quelque chose qui n'était pas censé vous faire, quelqu'un vous a blessé, quelqu'un vous a fait de quoi de mal. Donc, faites-vous-en pas, c'est correct d'être cynique. Par exemple, à long terme, je pense que ce que Dieu désire, c'est qu'on puisse avancer à travers ces expériences-là et qu'on puisse en grandir spirituellement. Et c'est mon désir qu'ensemble, on puisse venir partager ces histoires-là pour qu'on puisse grandir et mieux comprendre maintenant qu'est-ce que ça veut dire de vivre selon la personne de Jésus-Christ et vivre selon la foi chrétienne et comment est-ce qu'à travers ces expériences-là, justement, on peut grandir et faire des critiques qui maintenant ne seront pas liées à aucune frustration ou aucune jalousie ou rancune. Donc, si vous êtes une de ces personnes-là, puis vous avez vécu des mauvaises expériences, dans l'Anti-Église, on veut vous dire, c'est normal, que peu importe comment vous vous sentez présentement, c'est totalement normal si vous êtes frustré, si vous êtes blessé, puis si des fois, vous ne savez pas trop où donner de la tête avec ces situations-là, puis n'hésitez pas à nous contacter des fois, puis à nous partager ou nous poser des questions sur quoi faire, puis ça va nous faire un plaisir de pouvoir en parler puis y répondre. Maintenant, une deuxième objection qui est souvent levée, c'est que l'Église, elle est voulue de Dieu. Et puisqu'elle est voulue de Dieu, on devrait faire des critiques de celle-ci. Je pense qu'il est juste important de faire la différence entre la notion de l'Église et ce qui est fait à l'intérieur de l'Église. Puisqu'à l'Anti-Église, on ne veut pas critiquer la notion de l'Église. Puis, by the way, pour ceux qui, peut-être, si vous êtes athée ou agnostique, l'Église, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas une institution religieuse, ce n'est pas une organisation ou l'histoire de rassemblement du dimanche. L'Église, c'est avant tout cette communauté-là de croyants qui s'identifient à la personne de Jésus-Christ. Donc, dans le fond, qui croient en Dieu, mais qui croient que ce Dieu se serait révélé parfaitement en Jésus-Christ. Voilà ce que c'est l'Église, cette communauté-là de croyants. Donc, on n'est pas ici pour critiquer cette notion-là que oui, Dieu désirait cette communauté-là de croyants qui est souvent partagé comme le corps de Christ dans le Nouveau Testament, dans le fond, ce corps de personnes qui s'identifient à la personne de Jésus-Christ. On n'est pas là pour la critiquer, cette notion-là, mais on est pour critiquer ce qui est fait à l'intérieur de cette notion-là. Donc, ce n'est pas parce que l'Église, cette communauté-là de croyants, était voulue de Dieu que maintenant tout ce qui est fait à l'intérieur de cette communauté-là est voulu de Dieu. Je pense que c'est vraiment important de faire cette différence-là. Puis qu'une fois cette différence-là est faite, de dire qu'on ne devrait pas faire de critique de l'Église parce qu'elle est voulue de Dieu, c'est vraiment créer une rhétorique parfaite dans le fond, pour que l'Église continue de faire mal ce qu'elle fait de mal. Je m'explique. Dans le fond, quand l'Église fait quelque chose de mal, si on est pour dire, ah, mais faudrait pas remettre en question parce que t'sais, l'Église était quand même voulue de Dieu, c'est tout simplement permettre à l'Église de leur faire encore cette chose-là de nouveau. Et puis, c'est une rhétorique qui invite nos communautés de foi, nos chrétiens, à faire des choses qui ne sont pas voulues de Dieu, puis sans que personne les remette en question. Donc, c'est vraiment une rhétorique que je pense qu'on ne veut pas dans l'Église. Et puis, donc, oui, l'Église, elle est voulue de Dieu. Et puis, je pense que c'est quelque chose de bon, cette communauté-là qui vient chercher qu'est-ce que ça veut dire d'être un être humain créé à l'image de Dieu, qui vient célébrer ce que Dieu fait dans leur vie, mais aussi qu'est-ce qu'on peut faire de positif dans notre ville. Je pense que c'est vraiment voulu de Dieu. Maintenant, on ne veut pas critiquer cette notion-là, mais bien ce qui va être fait à l'intérieur de celle-ci. Cela dit, pourquoi maintenant encore certaines personnes encouragent de ne pas se remettre en question ou ne pas faire des critiques de l'Église? Je pense que des fois, une réponse qui est rarement partagée ou qui va pas être partagée par les dirigeants des Églises, c'est que parfois les pasteurs ou vos dirigeants de vos communautés de foi n'ont pas de réponse à vous donner. Moi, je pense que ça se peut que parfois, malheureusement, vous ayez des questions, vous ayez des remises en question dont vos pasteurs vont vous décourager parce qu'ils n'ont pas de réponse à vous donner envers ces remises en question. Malheureusement, dans cette situation-là, je pense qu'il faut juste admettre que même si un pasteur est une personne qui s'engage à vouloir vous aider spirituellement, à vous rapprocher de la personne de Dieu, ça ne veut pas dire qu'ils ont toutes les réponses. C'est pas parce que, on sait des fois, quand vous allez dans un magasin pour vous acheter, ou vous allez dans un concessionnaire pour vous acheter une voiture, c'est sûr que normalement, on s'attend toujours à ce que le concessionnaire ait toutes les réponses à nos questions. Maintenant, est-ce que tout le monde est parfait? Non. Fait que ça peut arriver parfois que les gens n'aient pas toutes les réponses à vos questions. Puis que ce soit la même chose dans l'Église, dans le fond, que votre pasteur n'ait pas les réponses à toutes vos questions. Mais je pense que ce qui est dommage, c'est que si on est pour décourager maintenant les gens à se remettre en question à cause de cela, on vient s'empêcher en tant que communauté à grandir spirituellement. Une fois qu'on reconnaît que personne n'est parfait, mais qu'on peut commencer à se poser puis à poser des questions, on peut venir ensemble grandir, se remettre en question et ensemble trouver des solutions à nos questions. Et puis dans un sens aussi, il faut comprendre que si ce que l'on croit est la vérité, peu importe nos remises en question, tôt ou tard, la vérité va toujours ressortir envers ces questions-là. Donc, on ne devrait pas avoir peur de se remettre en question. Et puis, le fait que des fois, dans l'Église, on n'a pas toutes les réponses, ça devrait pas être non plus une excuse pour venir inviter les gens à ne pas se remettre en question. Et maintenant, deux objections rapides pour terminer ce premier podcast, c'est que parfois, une autre objection, c'est que faut pas trop encourager nos gens à poser des questions. Puisque des fois, ça pourrait devenir, dans le fond, une routine dans l'Église où les gens questionnent tout le temps ce qui se passe. Et puis, ça pourrait venir briser l'harmonie de nos communautés de foi. Je pense qu'il faut comprendre, premièrement, c'est qu'en tant qu'être humain, on n'est pas toujours en train de tout questionner. Oui, il y a des personnes qui questionnent tout le temps tout. En tant que tel, on peut dire que c'est des charlots. Oui, il y a des charlots un petit peu partout. Il y a des charlots dans nos églises, autant qu'il y a des charlots dans tous les milieux de travail. Et ces gens-là, je pense qu'en tant que communauté de foi chrétienne, puisque notre désir, c'est de venir s'encourager l'un et l'autre à être un être humain créé à l'image de Dieu, faut pas s'empêcher de se confronter puis de se dire des fois, si quelqu'un est pour tout le temps chialer, que peut-être que la personne devrait faire un petit peu plus attention à ce niveau-là, si elle chiale que pour chialer. Maintenant, faut comprendre par exemple que oui, des fois, quand on est pour questionner, si rien d'étrange ne se passe dans une communauté de foi, rien d'étrange n'est partagé par quelqu'un au niveau de la foi chrétienne, je pense que personne ne va poser des questions. Personne ne va se poser des questions, puis la personne va tout simplement être en accord, puis tout va bien aller. Mais je pense que des fois, malheureusement, il y a des choses qui sont faites qui ne sont pas correctes, puis que malheureusement, on va quand même encourager à ce niveau-là de ne pas faire de critiques, puisqu'il faut faire attention à l'harmonie dans l'Église. Et puis, même s'il faut y faire attention, en quelque part, il ne faut quand même pas nier tout ce qui est fait dans l'Église, puisque on va être honnête ici. Et puis, l'Église chrétienne, la religion du christianisme a commis des atrocités dans son histoire. Et puis, malheureusement, lorsque ces atrocités-là sont arrivées, c'est arrivé que, dans le fond, des chrétiens ne se sont pas levés contre l'injustice qui était faite. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas se permettre de faire. Donc, oui, il faut rechercher ensemble que l'Église puisse vivre en harmonie, que nos communautés de foi puissent vivre en harmonie pour que tout le monde puisse s'épanouir spirituellement. Mais il ne faut pas s'empêcher maintenant de faire des critiques ou de se remettre en question quand que l'on croit que quelque chose qui est fait n'est pas correct. Et puis, je pense qu'à ce niveau-là, donc, cette objection-là peut être bonne quand on parle de quelqu'un qui constamment chiale pour rien. Mais à ce niveau-là, je pense qu'il faut tout simplement s'encourager à se confronter dans telle situation. Mais que dans les autres situations, je pense que quelqu'un de mature va pas tout le temps remettre en question tout ce qui se passe pour rien. Je pense que quelqu'un va tout simplement poser des bonnes questions au bon moment quand quelque chose ne semble pas faire de sens. Et puis une dernière objection qui, je pense, ou peut-être des fois une dernière raison pourquoi parfois des pasteurs vont vous encourager à ne pas critiquer, c'est que malheureusement, ces pasteurs-là cachent des choses. Heureusement, je ne pense pas que c'est la majorité des dirigeants dans nos églises ou de ceux qui travaillent dans des communautés de foi chrétienne, mais je pense que malheureusement, c'est le cas quand même que parfois, des gens vont vous dire de ne pas remettre, de ne pas remettre en question leur décision, de ne pas remettre en question ce qui est fait ou partagé dans l'Église, puisqu'ils cachent des choses derrière ce qu'ils font. Et puis, nous, à l'Anti-Église, on est exactement là pour en parler, pour en discuter, et pour mettre à la lumière ce qui est parfois fait derrière les murs de l'Église, ce qui est fait dans la vie des chrétiens. Et puis, je pense que c'est vraiment important, par exemple, de toujours se rappeler dans tout cela que, premièrement, personne n'est parfait. Donc, oui, on est tous aptes à faire des conneries. Puis, si des fois, ça nous arrive à dépasser les limites à l'Anti-Église, bien, j'espère que vous allez pouvoir nous partager, puis que, en quelque part, on va pouvoir avoir l'humilité de le reconnaître. Puis, je pense que, deuxièmement, aussi, il faut reconnaître que on ne peut pas blâmer la stupidité des hommes sur Dieu. Je pense qu'une des pires choses que l'on peut faire, même si je sais que des fois c'est difficile, c'est qu'on ne peut pas blâmer ce que les hommes font de mal sur ce que Dieu se dit d'être. Donc, et si on veut vraiment critiquer à m'emmener le christianisme et le Dieu du christianisme, il faut le critiquer pour ce qu'il aurait partagé et non pour ce que les hommes font en son nom. Puis je pense qu'à ce niveau-là, quand on voit la personne de Jésus-Christ qui a partagé un des messages les plus simples comme aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même, c'est facile de voir des fois que quand des pasteurs vont abuser psychologiquement des membres de leurs églises, ça n'a rien à voir avec ce Dieu du christianisme, mais bien l'homme qui échoue lamentablement comme il est capable d'échouer. Donc, ça, c'était plusieurs, je pense, objections ou raisons des fois pourquoi on décourage les chrétiens à ne pas critiquer l'Église, ne pas faire des critiques. Et puis, maintenant qu'on en a parlé, je vous invite à vraiment nous envoyer des feedbacks sur ces discussions-là. N'hésitez pas à nous partager votre opinion, si vous êtes en accord avec nous ou non. Et puis, ça va me faire plaisir qu'on puisse continuer à avancer dans ces discussions-là. Et puis, vraiment, comme je vous disais au début, c'est vraiment important pour nous à l'Anti-Église qu'on puisse avoir ces discussions-là ensemble et que ce ne soit pas seulement l'opinion d'une personne, mais qu'ensemble, on puisse venir découvrir qu'est-ce que ça veut dire d'être un chrétien dans le fond, et qu'est-ce que c'est d'avoir une foi authentique selon ce que Jésus-Christ a partagé. Donc l'Anti-Église, c'est vraiment pour parler de comment est-ce que l'humain des fois est drôle et stupide parfois, pour vraiment focusser sur ce qui pourrait être la vérité à laquelle on aspire tous, la foi en un Dieu qui, lui, je crois, n'échouera pas envers les hommes comme l'homme est capable d'échouer. C'est donc tout pour notre premier podcast. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vous invite à nous suivre sur Facebook et sur vos applications avec iTunes pour le podcast. Si jamais vous avez des questions, des enjeux difficiles de la foi chrétienne, des tabous que vous aimeriez qu'on discute, n'hésitez pas à nous les envoyer. Ça va nous faire un plaisir de les aborder si on peut. Sinon, je vous souhaite une excellente semaine et c'est pas mal ce qu'est ça. L'Anti-Église approuvée.